Quand pour ton sixième album tu veux sortir en indé, pour la thune et pour la com, il faut trouver des plans B. Quand tu fais 1m60 et que tu veux jouer en NBA, peut-être que ça se tente, mais prévois quand même un plan B. Quand tu veux de belles vacances, mais qu'en juin t'as tout flambé, tu vas squatter l'île de France et tu vas chercher un plan B. Quand tu veux être homme politique, mais tu sais dire que la vérité, ça va pas être très pratique, mieux vaut trouver un plan B. Quand tu rêves d'une carrière sportive, mais que t'es déjà en senior. Quand tu veux créer ton site d'info en Corée du Nord. Quand tu veux être président, mais que tu n'aimes pas les coups bas. Quand tu veux avoir de la classe, mais que tu fais de la Zumba. Quand t'es noir et musulman et que tu veux habiter Béziers. Quand dans un discours de Ménard, tu cherches de l'humanité. Quand t'es docteur dans ton pays et qu'en France t'es un clan D. C'est à l'échelle de ta vie que tu dois passer au plan B. Quand tu voulais faire du sport mais que tu t'es bien planté, un stylo, des métaphores, ça peut faire un bon plan B. Quand tu aimes faire des grasses maths et que tu veux être boulanger, conciliation délicate, prévois plutôt un plan B. Quand ta meuf c'est Kardashian et que tu rêves d'une vie planquée, je te préviens, ça va être chiant, prévois plutôt un plan B. Si tu veux être un artiste et que tu n'aimes pas te tromper, il faut pas que tu insistes, tu peux passer au plan B. Quand tu veux faire du naturisme en Afghanistan, quand tu rêves de gifler quelqu'un mais que t'es son assistant, quand tu veux être élégant avec des mocassins à glands, quand tu veux que tes parents aiment leurs jantes mais qu'ils les rasent à blanc, parce que la vie c'est l'obligation de s'adapter sans trembler, que c'est l'art des seconds choix, des autres options et des plans B. Parce que pour le nom de ton nouveau disque, tu avais une belle idée, originale et poétique, mais que t'as choisi plan B.